Tu sais, je crois bien qu'avant que tu l'ouvres, tu aurais plutôt intérêt à écouter ce que j'ai à te dire. Est-ce que tu les vois, ces yeux? Ils en ont vu des choses. J'ai vu des hommes se faire dessus en cellule, tellement ils avaient peur. J'ai vu des hommes, les membres brisés, qu'ils suppliaient pour qu'on les achève. J'ai vu des hommes d'un courage exemplaire, qui pleuraient des larmes de sang lorsque je fixais les électrodes sur leur sexe. Oui, j'ai vu ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Et je sais que la cruauté des hommes ne connaît aucune limite. Après 12 ans d'embargo, bienvenue en Irak. L'Amérique déclenche la guerre. Sans quand je le VG pirate. À cause du Pentagone, ça a sauté au steak, ça siège dessus dans l'hexagone. On sent le seum dans ses mots, l'oncle Sam veut Oussama. Oussama veut qu'on laisse l'islam, l'oncle Sam veut pas de Hassana. En tant que jeune des blocs, on n'est pas pour la guerre. Mais ils me tuent quand ils te tuent, du haut de leur bunker. Dans les rames de métro, du haut des tours de fer. Un palestinien mort d'une balle, ou un juif mort d'une pierre. Ils disent que l'islam s'ébatte, ça bombarde, se dégrade à Bagdad. Bagdad, de Madrid à Islamabad. Auprès de la source de Zemzem, pensons à sauver nos âmes. Avec leurs armes et leurs usines, et nos armes. Mais laisse mes ailes, mes ailes de zèle, sans plus gasoil. A échappé au pretzel, mais pas à la mort et ses ailes. Arme de destruction massive, objectif de l'offensive. Même les enfants savent que c'est faux, tu nous cibles avec tes ogives. Tes fumées nocives explosives, leur vie c'est nos vies félons. Donne-moi du mal pour des millions. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes priment pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes priment pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. Je le suis, de plus en plus d'amalgame sur les muslims. Ils croient qu'on est perdu et que dans notre tête y'a que de la mousseline. Généralise en mélangeant le terrorisme et l'islam. Témoins du mal, on garde la foi que des volontaires à l'aspect velouté. Qui par volonté, volontiers se mettent à genoux pour Dieu. En essayant de rester touchant tenté. Loin d'être des kamikazes, équipés de clous et de bout à gaz. Ils croient qu'ils n'ont manqué une case. Ça leur est égal de faire passer notre religion comme illégale. Arrogant comme George Bush, qu'arrête pas de manquer. Respect, qui te parque dans un pays pour maquer. Braquage. C'est l'ouvert, des marines savent pas que t'as des trompe-toi. Ils parlent de liberté mais c'est pour le pactole. L'or noir, le pétrole, qu'ils ont mis le pactole. Les signes de la fin des temps, t'en es témoin comme moi. D'emblée, comme quand la terre se mettra à trembler. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. À la fois victime, souvent soldat ou témoin. Parfois juste pour une prime, ou juste passer le témoin. Pour les jeunes des blocs, chaque jour est un combat. Certains bicravent le bloc, et d'autres frappent le thomas. Le mal à portée de main, le mal à chaque coin de rue. Sur ta mère tu lèves la main et joues le sein dans la rue. Comme ces violences policières auxquelles t'as assisté. T'étais témoin de la haine et t'as pas résisté. Dans le pif t'as insisté, hélas trop pisté. Alors on t'a sauté car le mal t'a assisté. Car tous ces coupes c'est naissance ou mariage. Souvent l'état les coupe comme de la cesse ou un grillage. Le sang coule de Paris à Haïti et les larmes coulent. Tous témoins dans chaque pays. Ici t'as pu constater les frères et sœurs partir en couille. Façon t'avais dit depuis le début, ça part en couille. Quand le riche exploite le pauvre, ça c'est le mal. Mais quand ce dernier se saute, ça fait du mal. Témoins du spell, de la rue, du spiff, du sexe, de l'alcool, de la rage. Mensonge, vol ou du viol. Chaque joint, chaque tir, tu ne peux qu'observer. Que tu sois bon ou que tu nuis, si t'es observé. Chaque jour, chaque nuit, on est tous témoins. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers. Tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sur la joie. Des pieds de la voix, plus que tu parles pour être roi. Les yeux ouverts, témoins du mal, des vions verts. Le frère et les frères, c'est effrayant. C'est l'enfer sur terre, c'est attrayant. Témoins du mal, où ça braille et ça trahit. Ça tire comme dans les triades, les miens derrière ces gris. Où les carrés en font des criades. Et les petits à la fille dans un Porsche. Tu mets des petits rien dans les poches, prêt à tout pour le port. Difficile, trouver le sommeil, la mine. Plus parano, via la lune, c'est notre soleil la nuit. Témoins du mal, comme le shit, l'alcool et les armes. Ou une dame qui fait le tapin pour du crack. 2004, le mal frappe en fracas. On a plus de trac parce qu'on traque trop les tracas. Ils veulent nous sortir de la merde en nous mettant dans le caca. Parti du fort, c'est 20% au paca. Les fils de pute de beurre et de lac qui rentrent dans la vaca. Les moins du mal, un cas, un cas. En fait, là, mon cerf pas tapa. Nous allons garder l'état parmi les tas et les tatas. Les moins du mal dans ma ville et dans ma vie. Au journal de 20h, ou même dans les faits divers, tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sont la joie. Dévié de la voix, que ne ferais-tu pas pour être roi? Au journal de 20h, ou même dans les faits divers, tous témoins du mal, la haine et de la misère. Les larmes ont pris le pas, les cris sont la joie. Dévié de la voix, que ne ferais-tu pas pour être roi? La vraie violence, il va apprendre ce que c'est. Les 50 ans d'humiliation que je me suis pris dans la gueule, il va les vivre en 6 minutes de souffrance physique totale. Et ce sont des bourgeois comme cette ordure qui nous volent notre fric, notre bonheur et notre dignité en toute légalité. Chaque jour, ces escrocs, fils d'escrocs, protégés par toutes sortes de lois que leurs aïeux ont mis en place, ils te mettent la main dans la poche et le doigt dans le cul. À toi, à ta femme, à tes enfants, et en plus, ils exigent un sourire. D'accord pour le sourire. Mais alors, laissez-moi me venger, car il n'y a que ça qui me fait rigoler.